Ils ont pas cru en nous ces bâtards. Maintenant on tient les manettes. Les temps changent, maintenant on tient les manettes. Arrive à Jambon pour elle vient tout droit de Calais. Check la repuce et la poisse. 4 sorties de peau sur la assise. Parle tous les soirs. Contact dans le répertoire. Si je dois me défendre en cours d'assise. Le train de vie de plus en plus noir. Dans la pièce j'investis le métal. Finir propriétaire pour qu'il n'ait que Dieu qui soit loué. À un Paris Rotterdam, je connais l'itinéraire. Un CC 19 et 6 jouets. Jusqu'à minuit, je ne cesse de distribuer ce que le client réclame. Souriant, j'empile briques de billets. Yon qui défile comme les années. Je suis dans un gamos vitre fumé. Je reviens de Rotterdam. Maman veut voir vite son fils se briller. Ma peine a fleuri, a fané. Je dois viser 2-3 cramés. Tout noir, je dormirai sous un palmier. Mais je suis bloqué dans le square. Ma quicheta est colorée. Je la ken, je prends des calories. Plein de choses qu'on tolère. Un coup de feu par la vie. J'enchaîne TP, pas de mi-temps. Tout en m'habilitant. J'ai mis les gants, tellement péché, je dois faire pénitence. Certains me diront que j'ai changé, on a charbonné pour le danger. Certains me diront que j'ai changé, on a charbonné près du danger. Dans la paix j'investis le métal. Finir propriétaire pour qu'il n'ait que Dieu qui soit loué. À un Paris Rotterdam, je connais l'itinéraire. Un CC 19 et ses jouets. Jusqu'à minuit je ne cesse de distribuer ce que le client réclame. Souriant, j'empile briques de billets. Y'en qui défile comme les années. J'suis dans un gamos vitre fumé. J'reviens de Rotterdam. Maman veut voir vite son fils se briller. Ma peine a fleuri, a fané. Cesse de distribuer ce que le client réclame. Souriant, j'empile briques de billets. Y'en qui défile comme les années. J'suis dans un gamos vitre fumé. J'reviens de Rotterdam. Maman veut voir vite son fils se briller. Ma peine a fleuri, a fané. Il la connaît par cœur. On est là. C'était quoi comme morceau, tu peux nous dire? Pas au micro parce que sinon on n'entend rien. C'était le son de Andos Rotterdam. Ah oui, cool. Tu connais par cœur? Ouais. Ah ouais, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as chanté à la Sorbonne là? Tu peux. À la Sorbonne? Ouais. Micro. Il faut que tu parles au micro parce que c'est. Mais les sons que j'ai. Ouais. Ah, les sons parce que tu as fait plusieurs de chansons. Ouais. Un de mes sons. Tu y étais toi aussi? Non, j'y étais pas. Ouais, ouais. Oh. J'ai écouté un de mes sons. Ah, moi j'adore. Je suis fan. Je vais mettre. Vas-y, on est à une minute de direct. Vas-y, je mets Richard Mille. On est à une minute de direct. Ça va. C'est quoi ton nom d'artiste maintenant là? Faut que tu le dises. Ah ouais. Sosa, maintenant c'est CJ. CJ. Pas mal. Cette année faut que je mette la Richard Mille. Faire du PNF en comptant mille. J'ai becté mode voyoucratie. Montant la chop à Calaisi. J'ai pas bédavé sans souci. Moi je voulais juste ma Richard Mille. Je te redonne la Richard Mille. Moi je voulais juste ma Richard Mille. Si je mets des habits Balenciaga, je suis la flamme d'Afrique. J'aime la plata, j'te redonne la missée. Pour niquer, raciste de color, va te faire niquer. On débarque chez Watt, tous paniqués. Je vous stoppe comme une défense de piqué. Mais comme t'as pas idée. J'te redave la Richard Mille, j'te redave la Richard, j'te redave la Richard Mille, j'te redave la Richard, j'te redave la Richard Mille. J'te redave la Richard Mille, cette année faut que j'mette la Richard Mille. Faire du PNF en comptant en mille. J'ai becté mode voyoucratie. Monte dans la chop ma calessie. J'ai pas bédavé sans souci. Moi j'voulais juste ma Richard Mille. J'te redave la Richard Mille. Moi j'voulais juste ma Richard Mille. Contre mes idées, je les verse avec ma queue, je me suis vidé. J'aime les beurettes, au gros ma belle. Je suis ton bébé, faut m'allaiter. Faut y aller, on s'en fout. Pas de balance, t'es plié. J'te redave la Richard Mille. J'te redave la Richard. J'te redave la Richard Mille. J'te redave la Richard. J'te redave la Richard Mille. J'te redave la Richard Mille. Oh ouais, c'est DJ, on est à Metanoia. CJ, super. Sur les réseaux. CJ, bam, on the track. Bam. Ouais, on the track, qui a cartonné à la Sorbonne là, lundi dernier. C'est bien, hein, tu as suivi. Bam, bam. Bravo, et puis on a des plein de monde aujourd'hui. Il y a Dune, il y a notre ami Breton. Makaya. Makaya, le retour, en force. Prends le micro parce que sinon on n'entend rien. Si, ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Si. Ah bah, mets-moi dans le truc. Si, tu t'entends là ? Voilà, un petit peu. Mais ça grisaille dans mon casque là. Un peu moi aussi, ouais. Bah, c'est un peu l'interférent. Interférence. Non, c'est pas mieux. C'est l'interface. Ça va, c'est un peu l'interface. Bon, on peut pas faire mieux là pour l'instant, mais. Ah. Déjà, ça marche bien. Je crois que le bon Dieu est avec nous ce soir. Ouais, voilà. Makaya, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Ah, je sais pas, on va mettre une instru et on va chanter, hein. L'instru, ok. C'est qui gère les instrus là ? C'est CJ. CJ. C'est moi qui gère les instrus carrément. Ouais. Ça y est. Même moi, une instru tard, on va dire type d'adju, tiens. Ouais, voilà. Dune, tu vas parler de quoi aujourd'hui ? Type d'adju aujourd'hui là. Ah, je sais pas. On va chanter du love. C'est pas encore ? Non, je sais pas encore. Ok. T'as laissé le temps de recevoir l'inspiration. Johan, toi, tu vas faire moi, quoi aujourd'hui ? Moi, j'ai chanté une petite instru. Mario, truc. Ouais. Mario Winans. Mario Vasquez, je sais pas quoi là. Mario Vasquez, c'est quoi ça? C'est une instru. Ah ok, super. Donc on cherche les instrus. Et vous, messieurs, c'est votre prénom, c'est Le B. Le B. Prenez un micro là, comme ça. Ça marche, ça marche. Moi, c'est Le B. Ouais, Le B, bienvenue. Là. C'est la première fois que vous venez à la radio, ouais. Vous allez faire de la musique aussi un peu aujourd'hui? Non? Parler de quelque chose, intervenir. Voilà. La radio, c'est ça, hein. C'est plein de choses différentes. On parle, on chante, on crie. On va avoir un peu plus de volume dans mon casque, s'il vous plaît. Attends, le casque. Casque. C'est quoi ton casque là? T'entends? T'entends pas? Il a pas de casque. Makaya, hein. Zoulette. On part en impro, c'est la roulette russe. Ce soir, c'est moi, chérie, si t'en as envie, c'est parti. Tu connais déjà, on te l'a fait en love story. Ah, Makaya, Bomba Sidja, ce soir, c'est toi et moi. On s'en fout, on s'en bat les ouais. Oh, ça fait long time que j'ai pas chanté sur un petit brin reggae, salsa caliente. Si t'as, si t'en as envie, ce soir c'est moi le roi de la partie. Yeah. Que de l'impro, c'est sévère aujourd'hui, c'est une reprise. Aïe. On va lancer un petit texte que j'ai écrit là. Tu peux mettre un petit pull-up sur l'instru là, s'il te plaît. Ok DJ, ça fait. Yeah. Quand je t'ai croisé la première fois, mes yeux ont brillé, le cœur a vrillé. Sensation étouffante, mais qui est donc cette épouvante? La femme est si émouvante, fatiguée de pleurer. Y'a que les bras qui sont là pour porter les bébés. Délicate, soigneuse, au lit elle devient paresseuse. Tu finiras par lui dire que c'est une menteuse. En vrai tu voulais pas du menthe religieuse. Aïe oh, ça fait jolie banda, que j'aime ça quand tu me la fous comme ça. Jolie banda, grimpe sur moi ce soir c'est parti. Hey yo. Hey yo. Yeah. Intelligente, soigneuse, paresseuse, jolie, caresseuse. On s'en fout, on s'en bat les ouais. Faut écrire des textes, il paraît. On est là sans foi ni loi. Makaya, parce que j'étais le roi. Alors ça fait. Je rêve. Je rêve d'un ciel un peu plus bleu, que le soleil admire les cieux. Que demain soit beaucoup mieux, qu'en prenant nos larmes ensemble on soit heureux. Alors sèche les larmes de tes yeux, à deux demain tout ira mieux. Yeah. Le monde a bien changé depuis Galem C2. L'énergie nucléaire a établi son empire sur la terre dans la main de quelques visionnaires. L'extermination de toutes ces forêts et grands espaces verts pour laisser place à tant de béton, de pistes en goudron. Ils ont entré dans notre quotidien le mot pollution. Aux trois petites ou grandes civilisations, c'est le moment de la révolution. Revenir ensemble à l'essentiel avant de partir au ciel. Laisser une trace indélébile pour que demain les tiens les autres, il n'est pas de pile. Je ne sais pas si tu suis le fil, mais vis la vie avant qu'elle ne te file, car tout ça ne tient qu'à un fil. Je rêve, je rêve, je rêve. Yaman, si tu connais l'histoire, c'est tu me reconnais, c'est Makaya, Bouillon Gabonais, Petite Castello Show, Riga Beaufray. Paris-Marseille, c'était un classico. Avant que tu me demandes de ramener le Dolce. Mais ouais, j'ai trop voyagé, j'ai trop circulé. La vie t'exister. Oh putain, hey. C'est du mystérieux Gataga. Bilmaika, again and again and again and again. Parce qu'on n'a pas le choix, c'est ça le combat. La femme et l'homme, again, again, again. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Magnifique. Ouais, ça nous manquait, Makaya. Bien. Ah, quand ça prend. Hein. Tain, ah ouais. Et puis j'ai l'approfondi que ta voix, il y a un truc qui s'est approfondi. Ah ouais. Je sais pas. Dans le micro, ça, t'as une belle voix. Ouais, bah, toujours il y a une belle voix, mais là il y a un truc un peu plus profond. Ouais, c'était un peu hardcore. Avant c'était un peu hardcore, mais là c'est. Ouais. C'est... Je m'entends pas. Non. Si, on t'entend. Attends, tu veux monter ton casque. On cherche à faire un peu. Trouver la voix un peu plus sombre. Ouais, non. C'est pas aujourd'hui, c'est calme. Tu t'entends ? Là ? Oui, là. En fait, avec les. Aujourd'hui, non ? Ouais. En fait, avec Ah, Dune, c'est calme aujourd'hui. C'est très calme. C'est calme, c'est bien là comme ça. Bah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Il n'y a pas l'autre, là, le fou là. Il n'y a pas l'autre gars avec cet instru là. Il ah, lui, c'est un fou. Lui, c'est un rap. Il rap. Il nous manque plus de casques par contre. Il va falloir. Un Mario, sous Mario. Astro quoi ? Non, c'était magnifique, vraiment. Merci. Alors, c'est à qui le tour là ? C'est à moi, Loutou, c'est à moi, c'est à moi. Alors, il y a Johan qui se prépare. Ah, Johan, tout le monde là. Il est au taquet. Il est sur les parties de bloc. Tu vas nous faire une improvisation, Johan ? Mais nous, du coupé-décalé, coupé-décalé. Moi, je suis chaud. Du zouglou, du zouglou. Chérie, si tu veux faire avancer le 4x4, il faut mettre le gasoil dans le moteur. Hey. Allez, décoller. Allez, décoller, bam, bam. Aïe. Gauche, droite, au kilo, on te la met. C'est de la gym. En noir. Mais yo. Chacun ses préférences. Chaque fois que je te parle de la baraque, ma gueule, une idée me vient dans mon esprit. Est-ce toi? Est-ce toi, ma puissante gueule, qui me met bien tout le temps? L'avenir, je le vois entre nous deux, ouais. Le soleil me parle, les étoiles me parlent, souvent de toi, gueule, serait-ce toi? Faut que tu sois là, à jamais sur moi. J'adore quand tu me vois. T'arrives tout le temps à rentrer dans ma tête, bébé. Serait-ce toi mon unique amour? J'ai longtemps cherché, je n'ai jamais trouvé mieux que toi, ma gueule, à jamais gravé, me le dire, ouais. C'est une certitude qui compte nos cœurs, à jamais tout le temps, à jamais gravé, mon histoire. Zadie, M50. Yeah. Attends. Ah, j'aime bien le son là, j'aime bien le son. Là, il aime bien le son. Yeah. Pour toi, ma girl. Pour toi, mon love. Pour toi, ma destinée. Je ne vois que toi dans mes nuits, dans mes pensées. Tu remets bien. Ça jamais gravé à l'encre de Chine sur du papier. Je ne vois que toi dans mes nuits. Je ne vois que toi au fond de mon lit. Allez là, vas-y, il est là, vas-y. Oui, super. Attends, on va. Il y a encore un morceau de musique ou pas? Vas-y, moi je vais poser encore. C'est lui qui va poser après ça. Il faut que tu mettes un casque, sinon tu vas être sûr un peu au retour. Il aime pas les casques, mais. Je vois, je comprends. Mais alors, attends un peu parce que là, on est. Ouais. Un, deux, un, deux. Paris, les taxis boulevards, pour tous ces fils bâtards qui sont nés quelque part entre la mort et l'ennui. Paris, le monde entier t'appartient, pourtant tu tiens qu'au creux de ma main. Quels sont là ? Tu peux la recommencer avec une instru Renault ? Ouais, c'est bien. Instrumental Renault. Tu peux nous mettre une instrumentale Renault ? Attends, je vais poser après. Attends, il veut. Ouais, la censure est présente, pourtant l'information circule. Il y a Mister Instru là. Ah, il est chaud lui. Moi j'ai envie mon casque. 1, 2, 1, 2. Paris. C'est bon, vieux, pour la sono. Tu veux mettre une instru, Mohamed, tu veux quoi comme instru? Tu veux une instru ou pas? Mistral gagnant? Je sais pas, celle-là, t'as envie de trop pleurer, celle-là. Tu veux une instru comme moi, Mohamed? Ouais, tu veux une instru comme moi? Ouais. Tu veux une instru comme moi? De la basse et tout. De la rap ou. Rap, bah ouais. Excusez-moi. Johan, excuse-moi, tu fais quoi dans la vie? On a plusieurs boutiques en ligne. Tranquille. Vieux, c'est bon? Tu veux que je te la refais ou quoi? Fais-la moi. Paris, les taxis boulevards, pour tous ces fils bâtards qui sont nés quelque part entre la mort et l'ennui. Paris, le monde entier t'appartient, pourtant tu tiens qu'au creux de ma main. Bah, c'est bien, Renault là, ça aurait été bien, Renault, t'as vu. Paris, ouais, mais en fait, juste là, je suis intime, là, c'est mental. Yeah. Bambo clac, Anadinayo, marché des bourreaux, mondial, Cameroun, à côté de moi, il y a les serpents, il y a tout là-bas. Aïe aïe aïe, c'est le Mamba d'Afrique qui t'a piqué. Hey. Excalibur et son horloge. Excalibur et son horloge. Hors du temps. J'ai la passion, j'ai le football. En analogie, je suis mystique. Caliente. Caliente. Quand je la couche. Je dis oh oui bébé, quand je la couche. Je dis oh oui bébé, et ce soir c'est elle qui change les couches. Moi je suis avec mes potes en train de jouer à la console de jeu. Je m'occupe un peu, le cerveau est calmé avec un bon bédo. Je suis fatigué, j'en ai marre de conduire. La rue est à 100 km/h. J'ai traversé tous les dangers. J'ai réussi à prier, ouais mama love. Mama love. Mama love, Mama love, mama love. Et pour toutes les mères de Scarla Hook, ce soir de Ouagadougou au fin fond du Pérou, ça fait ouk, ouk. Ce soir, on a tous une mama love, mama love. Ya. Vas-y, enchaîne. Prends le micro. Hey, Sidna. Sidja. Trop de mots, j'ai les crocs, trop de mots, j'ai les crocs. Parce que toute entrée est définitive. Ils te laissent pas monter comme ça et descendre. Tu leur dis que tu viens à la radio. Ouais. La radio, c'est que tu laisses. On entend rien là? On entend? Alors. Oh. Chez moi, t'entends maman pleurer. Dans ce couloir, on ne veut pas de moi. Je vois les keufs se marrer. Bâtiment A, mystérieux. J'ai même plus où aller. Quand ça ne va pas, pas de cas. Impossible de se barrer. Aucun diplôme, quelques crômes. Et je les entends parler. Olympia, Bercy Dôme. Et je me surprends rêver. Gyrophare, sirène qui sonne. J'ai le sommeil léger. Cette champagne, silicone. Faut bien se laisser aller. Seul au fond de la sucre là. Je rêvais de sortir de là. Mais j'avais pas les mots. J'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras. Lui dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. J'ai jamais su le dire car j'avais pas les mots. Non, j'avais pas les mots. Puis je ne trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Quand les portes se ferment, je fume de l'herbe. Et je laisse les gens parler. Je parle. Je monte en selle. Je vois ma vie s'étaler. S'étaler. Première, toute deuxième. Combien de fois j'ai calé. Reviens mon père, reviens ma mère. J'en ai pour quelques années. Assurance, carte grise. Matin au soir contrôlé. Pas de vacances, un petit quartier se passerait tout l'été. Manigance, marchandise. Influent, quoi qu'on dise. Pas souvent ce qu'on vise. Viendra grand, quoi qu'il dise. Seul au fond de la sucre là. Je rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras. Dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. J'ai jamais su le dire. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Puis je ne trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots, ouais. J'avais pas les mots, ouais. Incompris dans mon coin, personne à qui parler. Avec le temps, t'iras pas loin. La conseillère me disait, papa cesse de râler, maman pose son balai. Trop d'années ont passé, jamais trouvé le temps de se parler. Souvent absente, tu t'as fait trop. Elle aussi ne trouvait pas les mots. Quand tu ouais. seras grand, souvent ces mots s'en mêlaient dans mon cerveau. J'avais pas les mots. Tiré dans mon silence, frérot, j'avais pas les mots. Seul au fond de la sucre là. Je rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots. J'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras. Dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. J'ai jamais su le dire. Car j'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Ouais. Je ne trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Ouais. J'avais pas les mots. C'est magnifique. C'est très touchant. C'est touchant de voir chanter tous ensemble, c'est bien. C'est toi. C'est magnifique. Ouais, c'est Mathieu, tu peux mettre le casque là, il y a le casque libre. Très joli. Ouais. Sinon, vas-y. Qu'est-ce que ça, tu écoutes avec nous. Big up. Big up à Dim, bravo. Bravo, hein, c'était magnifique. Vraiment. Et je t'ai dit. Ok, on continue. Tu as celle-là à la Sorbonne ou pas? Quand tu veux. Non. Que t'es sur toi. T'as eu raison. celle-là est pas mal. La reprise est très belle. Ça va, c'est trop fort. Je baisse, c'est bon. Ok. Voilà. Tu as un micro aussi devant toi. T'as tout le temps. Cool. Yeah. Un pro, c'est comment? C'est comment, mon tu gars? Tu pourras, mon gars. Là, t'es hal ou t'es pas prêt? Dis-moi, c'est comment? Tu fais du peur ou t'es comment? C'est comment, mon gars? Mon gars, mon gars, sûr. Mon gars, Kéblo ou quoi? Fais du peur à mon gars. Fais du peur à mon gars. Mais t'es mal à l'aise, arrêtez. Ouais. En improvisation esprit. Ou pas? En esprit, c'est parti. En esprit. Je suis un mec qui fait du sale, cousin. Avec mes gars, on est chaud, on fait du bon sale. Avec des go, on est bien. On se met bien. On les met bien. Ok, ça fait. À moi tout seul, mon équipe est compacte. À moi tout seul, mon équipe est compacte. Hey. Sous Jack des cocos, je peux tout niquer, tu le sais. À bon désert, j'ai fait la zézère. Hey. Je suis un poulard avec un putain de voix. Avec une putain de voix sombre, négro. Avec une putain de voix sombre, négro. Hey. Rap comme Tupac, rap comme Biggie, Tupac. Non, je suis un mec bien, mais je fais du sale. Là, c'est de l'impro. Nique sa mère là. Écoute ça. Moi, je suis là, je fume des joints comme Bob Marley. Depuis que je suis né, que je prends le lait de mon néné, néné. Je passe la passe à néné. Sergio Ramos, c'est moi le tacle, c'est moi l'impro. Zizou avait les jambes barquées, je faisais des roulettes à la Zizou. On vit dans un monde de fous, complètement barré. À tout, y a des fous, y a même des babtous. Tu sais pas qui sont fous. Ok, ouais. Ouais. Un pro, ok. Ok, ouais, hey. Moi c'est Gigi, ou si Jay, mais c'était aussi Jimso à l'époque où j'étais dans les Rix, cousin. Je tapais des gars pour parce que c'était ma cité que je représentais. C'était ma cité, cousin. Ok. Toi t'étais dans la Rodka, moi j'étais dans la Bicrave. Ok, ça fait. Toi t'étais dans la Rodka, moi j'étais dans la Bicrave. Sais-tu que j'ai déjà exterminé des pédophiles? Okay. Et là ils s'enfilent. Moi je l'enfile. Sais-tu qui je suis? Makaya Bezeta. Qui t'étais, mais là je sais qui tu es. Ah merde, qu'est-ce que je raconte? Merde, c'est de la merde, putain. C'est de la merde, putain. Bom. La pro, c'est dur, hein. Oh, c'est mon son. Oh, c'est mon son. Oh, je la vois tout près de moi. Je la vois à me faire du sale. J'ai envie de lui faire prendre les tarmas, ouais. Ah, avec mon gars Adim, ouais. Le combo gagnant, c'est quand y'a une femme black. Le combo gagnant, c'est quand y'a une femme black. J'aime trop la black woman. Aujourd'hui, je suis en Guinée, hier, j'étais en Haïti. Aujourd'hui, je passe au Gabon, tu ne sais pas qui suis. Et c'est Makaya, bouillon gabonais, petit castel au chaud, Gabon frais. Accueil, Paris, Marseille, c'est le classico. Belek, 22, ok, écoute. J't'étrangle. Aujourd'hui, sur mon Maguedon, elle me dit que j'ai la police. Moi, je mets du dog. Coursé par la police, je passe sous le pont. Direction le centre-ville. Ils ont arrêté le poids lourd d'Herville. Avec les brise-glaces, ils faisaient les shows. Sans le couteau, ça faisait des trous dans la peau. C'était la guerre, ils voulaient ma peau. Les keufs à la gare, ils faisaient des rondes. Je veux la gérer, mais je regarde le compte. Tu m'as écouté, mais la réplique, les gars fâchés sont de la République, la croyance en Dieu, je suis béni, parce que c'est pas tour de magie, le moitié bout, l'aromagie, écrase mon tête sous le béton, elle m'envoie ses nibards et téton, menace sur FB, tu faisais le show, les bas du gun pleuvent sans comme de l'eau. Ça fait un bail donc tu me regardes de haut. Je voulais la gérer, lui l'a pris la go. La cloche sonne, chef veut me. La cloche sonne. Le ring est lancé. Ah putain. Hey. Oh, hey. Oh. Hey. Elle est là, elle est belle, c'est dommage. Je la vois tout près de moi, ouais. J'ai envie de lui faire monter en l'air, tellement elle est belle. Okay. J'en perds le nord tout près de moi, ouais. Vas-y. Ok. Ok. Ok. Hey. Ok. Écoute. Hey. Je reste lyrical comme le beatmaker. Je me barre d'ici si le beatmaker. 1, 2, 1, 2, pas de mayday, mayday. Des phases de barre, je me suis la foncée tété. Ok. Ok, ok, ok, ça fait. Ça fait, je pense en nom, hey. Je pense en nom, hey. Je pense en nom, tété. Moi j'ai le cabriolet de Takanazarian from Guinée Conakry. Tu connais déjà, je le ramène à l'aéroport. C'est pas qui je suis, c'est Makaya. Le Rasta fout rien. Le Rasta fout rien. Okay. Le Rasta fout rien. Ok, eh, hey. Hey, les tocs, on veut toxer. On a les cocktails pour vous défoncer. Bande d'enfoirés, c'est hors de portée. Baisse vos mères. Elle baisse sa sœur. Baisse vos mères. Elle baisse sa sœur. Magnifique sa sœur. Magnifique sa sœur. Magnifique, magnifique. Baisse vos mères. Elle est là, elle est là. Bravo. Vas-y, Dune, c'est toi. Il manque une voix féminine dedans. Allez, allez, oh, allez, allez, allez, allez, allez. Hey, c'est bien miso, c'est bien misogyne hein, tout ça. Oh ça va, on est tous femmes. Yaman, yeah, j'ai pris l'hôpital en otage. J'ai pris l'hôpital en otage. Tiens la queue à Serra. Tiens la queue à Serra. Tiens la queue à Serra. Tiens la queue à Serra. Tiens la queue à Serra. J'ai pris l'hôpital en otage. Tiens la queue à Serra. Tiens la queue à Serra. Je dors le coup. Bad boy. I'm a killer knight, I'm a bad boy, I'm a killer knight. Shoot right now, shoot right now, I'm a bad boy, I'm a killer knight. Hey, I'm a killer knight, yeah. I'm a killer knight, I'm a killer knight. Shoot right now, shoot right now, I'm a bad boy, I'm a bad boy. You know, Jack l'éventreur, you know, Jack la terreur. Ok. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Confession. La musique, moi, je suis un mec déterminé. 93, 100%, Sénégalo, ouais, 3% pour les mecs bien. Eh. Ah, j'ai le ah. Yeah, yeah. J'ai la vision, moi. Un mec déterminé. Ah! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Ah ouais, c'est mieux déjà. Ok, ça fait. Un. J'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, go, go, go, go, go, go, go, dances. J'aime les go, go, go, go, dances. J'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, go, go, go, go, go, go, dances. J'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, j'aime les go, mais j'aime aussi le monde gros bédo. Doudou, doudou, doudou, ce soir c'est Masta Gros Bonda, Masoko Kilos Anyaga. Ouh, ouh, ouh. J'en place une pour mes bébés, j'en place une pour mes bébés. Deux filles, un garçon, deux filles, un garçon, deux filles, un garçon de l'autre côté. J'en ai une qui s'appelle Samira, je la connais pas. Redirection Gaboma, tu connais. Ah, ah, je vais ramener un bus 4x4 pour traverser l'Afrique. Je vais ramener un bus 4x4 pour traverser l'Afrique. Aïe. On a mangé le coupé décalé là-bas. On a mangé le bon tiers Banyaga. Ah, ah, ah, ah, ça c'est pour Doudou. Hey, en espagnol, en espagnol, en espagnol, en espagnol, en espagnol. Ça danse, ça va commencer à danser. La Dune, elle à deux secondes, commencer à danser. J'étais à deux secondes de bouger ma chaise. Voilà, ça, ça... On essaye, on essaye. C'est toi qui me donne aussi l'aspi. Ça se passe, ça se donne, ça se donne, ça se donne, ça se donne, mon frère. Eh, c'est dur à l'aspi. Ça se donne, mon frère. Non, franchement, tu gères. Ah ouais, gères. Ah oui, tu gères. Tu gères, tu gères, non, non, tu gères. Franchement. C'est que parfois, tu t'écoutes, tu t'es dit qu'est-ce que je vais dire. On sait que mon gars a tiré, on sait que mon gars a tiré. Voilà, voilà. On sait que mon gars a tiré. C'est un fou furieux. Sia. Ok. Ok. début. Le gras va prendre un KO. Comme tu sais, je d'herbe qui nous excède. Du holoplaid, chez nous c'est dead. MC, ne m'excuse pas, j'ai plaide. Aïe. Ok. Le B. Bondi Nord. Yeah. Le bleu. Le bleu. Le bleu. Je t'ai dit aval, crache ma table de Havane. Si la caravane passe, les loups dansent, les aveugles bouffés par l'étrange. Te baise la France parce que c'est fashion. Parce que c'est tendance, ils chassent absence des souris forniquées. Alors retour, ils appellent les flics. Triple homicide, c'est la monnaie de ta pièce. Toi et moi, on n'est pas de la même espèce. Moi et mon gang, toujours ganté. Prêt à tout niquer quand ça va péter. Je t'écoute même plus, MC Jack, t'es il porte des Air Max à talons. Ils sont prêts à se péter les yeux phéniques. Pour un cycle de pilon, demande à ma psy. Qu'est-ce que je vois ici, mon avenir, c'est un conte de fou alimenté par tous ces jaloux. Hey, de Paris, plage à Bondi, bitch, niggas. Ok, je compte même plus mes sandwichs. Je suis enfermé, mais démenotté. C'est le premier pas vers la liberté. 20, 24, je te baise, chaud comme la braise. Cette salope de juge, elle veut que je la baise. Mon âme, j'ai perdu dans la savane. Il y avait trop de gens devant ma cabane. Je veux qu'on me rende mes bagues en roro, que j'encule Marianne et tous ces crocos. Le procureur, c'est qui broco. Tous les hachés qui te prennent des poteaux. Poteaux droits comme des lampadaires. Suivons le chemin de la lumière. À force de te suivre dans tes galères, négro, embouteillage au cimetière. Magnifique. Magnifique. Super. Embouteillage au cimetière. Carrément. Embouteillage, il n'y a plus de place. Tu l'as écrit. Moi, j'ai écrit. Tu peux parler un peu de ta musique ou... Ah, vas-y. On m'entend, Dim ? Je suis un peu stressé, là. Je vais pas te mentir, je suis vraiment stressé, ça fait trop longtemps. Voilà. T'inquiète, c'est la première fois. Magnifique. Il a tout niqué, c'est le retour, ma gueule. Il a tout niqué, ma gueule. C'est le sang, ça. C'est le sang, mon frère. Il a tout niqué. Bondi Norzo, brr, Brimaika. C'est l'été, le Babylon Zoo. Babylon Zoo, Bondi Zoo, ma gueule. Dans la jungle des animaux, les plus sauvages deviennent rigolos. Ça sent direct, hein. Ouais, on est en direct là sur Pinot et voilà, on est juste. J'ai bien aimé le passage avec la juge. On a 27 minutes encore de direct l'émission. Là, il y a les gens qui nous écoutent, il y a le chat, ils posent des trucs, tu vois. Non, mais tu peux en faire une autre, tu veux en faire une autre. Vas-y, fais une autre. Il faut lui demander, c'est lui le DJ, Didi. DJ. Un truc plus. Voilà. Mélodique, parce que là, on était dans le. Ouais, ouais, plus comme tout à l'heure, c'était bien. Moi, j'ai envie d'être dans le sombre là. Ouais, mais là, on est dans la violence, mon frère. La violence là. La violence, ma gueule. Nos enfants, on va les tuer, mon frère. Ils vont sortir les mitraillettes qu'on a cachées dans nos placards, mon frère. Ah ouais, là, c'est chaud là. Alors là, c'est quoi cette ville de Fousdé, ma gueule? Faut que je revienne dans mon enfance, voilà. dans mon adolescence là. Oh putain. Ouais. Oh putain. Viens, prends un micro, assieds-toi là. Oh putain de merde. Alors lui, il va. Après c'est toi, assieds-toi là et après on va te passer. Ouais, c'est pas mal ça. Dune, avec Dune, elle va te passer ton micro, ouais. Mais après. Yeah. Vas-y, pose. Vas-y, pose. Yeah. Chérie. Non, c'est mort. Je l'ai pas. Attends, je vais prendre un début de texte. Ah, c'est là que ça commence. Parce qu'en fait, t'as vu, en fait, faut taper un refrain au début. PD qui part sur moi. C'est sympa de voir tout ça. C'est collectif comme ça. Chacun rajoute son flow. Je m'en bats les couilles. Si tu peux tirer. Regarde. Si tu veux jouer, on pose le pistolet sur la table. On voit là qui est. Regarde. Si tu veux jouer, on pose le pistolet sur la table. On met une dernière balle, on voit qui c'est qui va monter là-haut en premier. Parce que moi je sais que les premiers, c'est toujours les meilleurs qui partent en dernier. Parce que là-haut on fait que briller. Là-haut là, hey. La hotline, là-haut il y a les aïeux. La hotline, là-haut il y a les aïeux. Croyez en Dieu mes frères s'il vous plaît, croyez en Dieu. Croyez en Dieu seulement. croyez en Dieu, ayez la foi, bordel de merde. Ayez la foi en Dieu, c'est ce qui éveille le soleil. C'est aujourd'hui là que on sait que tous les gens qui ont la foi ont demandé la chaleur aujourd'hui. Voilà, Serra, tu sais que je t'ai attrapé, non? Tu le sais, hein? Tes entretiens mystiques, là, hein? Serra, tu veux parler de sexualité aujourd'hui ou pas? Occupe-toi de mon ça appartement. Continue. Vas-y. C'était le... Voilà, tout le monde. Dune, est-ce que tu vas nous parler de quelque chose aujourd'hui? Tu n'as pas un sujet qui trotte sur ta tête? Tu peux juste parler aussi, hein. Ok, on entend ta voix, c'est déjà bien. Ta voix, c'est comme un pharmacon, un médicament qui soigne la vie. Adolescence. Ambre, tu veux dire un truc? Black Woman, j'aime ta mécanique. On entend pas bien là. L'instru. J'ai la feuille sous les yeux. Elle est bien là. Je coupe, j'en bats les yeux, bibi. Je coupe, j'en bats les yeux, bibi. J'suis un mauvais garçon comme Gigi. Je coupe, j'en bats les yeux, bibi. J'en bats les yeux, bibi. Ok. Ok, là. La merde. J'ai la mélodie qui fait bang bang. J'ai la mélodie qui fait bang bang. Black Woman, j'aime ta mécanique. Tous les chiens reconnaissent ma voix. Je tire sur la laisse et ils aboient. On peut te fumer sans faire de fatwa. Démarre au siroc, je bois pas de agua. Je reviens avec l'asmaniac. Je fume l'asmaque boudé à l'ammoniac. Double hachette grosse gnac. AK-47 beau snack. Mon esprit ne pense qu'au deuil. Deux speech de porte l'œil. Je peux te faire sauter le gustry, juste en soulevant le portefeuille. Je me rapproche sur le. Je me rapproche de l'imaginaire. Ouais, l'ancien, tu connaîtras aussi bien que ta poche urinaire. Mon esprit ne pense qu'au deuil. De spi. Ah putain! Sa merde! Ok. T'es même plus sûr de l'époque. J'suis dans le futur, j'te fuck. Le doigt sur la gâchette. Putain! Merde! Continue! Romain. Je coupe, j'en bats les jeux, bibi. Je coupe, j'en bats les jeux, bibi. Je coupe, j'en bats les jeux, bibi. J'suis un mauvais garçon comme Gigi. Je coupe, j'en bats les jeux. Il coupe, j'en bats les bibi. J'en bats les jeux, bibi. J'suis un mauvais garçon comme Gigi. C'est la mienne que tu pètes, pètes. C'est la mienne que tu pètes, pètes. C'est la mienne que tu pètes, pètes. J'suis dans toutes les têtes, j'suis dans toutes les fêtes. C'est la mienne que tu pètes, pètes. C'est la mienne que tu pètes, pètes. C'est la mienne que tu pètes, pètes. J'suis dans toutes les têtes, j'suis dans toutes les têtes. Sur un chien, reconnaissent ma voix. J'tire sur la laisse et ils aboient. On peut te fumer sans faire de fatwa. Démarre au siroc, j'bois pas de agua. J'reviens avec l'asmaniac. J'fume la cagoué à l'ammoniac. Double hachette, gros snack. AK-47, beau snack. Mon esprit ne pense qu'au deuil. Deux speech, deux porte-l'œil. J'peux te faire sauter le gustry. Juste en soulevant le portefeuille. J'me rapproche, j'suis sur les nerfs. T'accroches à l'imaginaire. Ouais, l'ancien, tu connais le rap aussi bien que ta poche urinaire. Mon son est sur Deezer. Ton front est dans le viseur. Le produit est dans le mixeur. Rien n'a changé à part Freezer. L'industrie, je vais la faire couper. Juste en lui mettant une petite main. Je vais lui faire flipper. Je vais lui faire un petit bain. Avec ma flottie. A checker pour les rôtis. Ok, on sort des tousies. Mais y'a rien à faire, on est maudits. Le bloc, c'est sur le côté sel. On le dessert. On a les sous des desserts. C'est comme l'œil du DJ. On le... Oui. Bravo. Bravo. Hey. Ça. Quelle énergie, quelle ouais. puissance, quelle effervescence. C'est beau aujourd'hui. C'est magnifique. Il y a une espèce de cœur. Il y a une communion là. Hein. Ouais. Il y a de l'énergie, il y a de la testostérone incroyable. Ça aussi. Reconnais les vrais. Mais il manque les voix des femmes aussi. Attends, il y a Ambre qui va parler. Ambre, il va... un message. Passe... Bouteille de Jack D. Bouteille de Jack D. Attends, on laisse passer un message. Oui. Je voulais parler du. C'est un documentaire qui va passer au Ciné-Club, enfin, Ciné-Club de la clinique du Bois de Bondy. Donc ça va passer au Ciné Malraux, au 25 cours de la République à Bondy, le vendredi 18 octobre à 14h. Donc c'est un documentaire qui s'appelle État Limite. Personnellement, je l'ai déjà vu et ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment très beau. Je peux vous lire le petit texte si vous voulez, c'est très court. Hôpital Beaujon à Clichy, au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui rongent l'hôpital public, Jamal Abdelkader, seul psychiatre de l'établissement, s'efforce de rendre à ses patients l'humanité qu'on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade ? Voilà, et ce sera en présence de ce psychiatre qui travaille dans cette. Qui est le seul psychiatre de cette. La jeunesse de cet hôpital. Est malade. Voilà. Merci beaucoup, Ambre. Merci, Ambre. Merci pour l'info. Tous invités vendredi à aller au cinéma André Marot, au cinéma André Marot Bondy. 14h. Puis cette année, on va faire un film avec eux, hein. Faire un film radio. Ah oui, avec. Ouais, avec le cinéma Malraux et la radio qu'on fait les lundis au 7TP, vous êtes invités. On va faire une espèce de photo radio. Donc on va faire des images avec de la radio. D'accord. Ouais. Sur le paranormal. Le paranormal. Ouais. C'est le sujet. Sur l'extraordinaire. Sur les choses que pas sont pas normaux, un peu comme nous, mais pas normaux. On devrait même pas être là en vrai. On n'est pas normopathe. C'est lui et moi et ce son c'est fait pour vous. Non pas les maillots, maillots, maillots. Ah. comme on s'adapte cette chanson. On est debout 24 heures sur 24. On n'a pas de pile, hein, mais on fonctionne. Hé, hey, Patson, mais qu'est-ce qui est devenu Patson, d'ailleurs? Bon, on va... Didi, on va parler un peu. Il y a Jules qui veut parler. Didi. Et notre DJ est en transe, il veut pas nous obéir. il est rentré dans la musique, il sort plus. Mais je voulais entendre la voix de Mathieu aussi, la voix d'une, gens qui n'ont pas parlé aujourd'hui. Tu veux prendre la parole? Ok, c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé, mais Dune, tu as des choses à raconter quand même. Non, pas forcément. Ah si, en ce moment, je fais beaucoup de sport. Ouais, tu fais quoi comme sport? Bah, je fais du cardio énormément. Beaucoup de cardio, de tapis. Ouais. C'est très fatigant, mais ça fait beaucoup de bien. Tu le fais où, ça? Je le fais dans un fitness park. Ah oui, c'est bien. Ça maintient. C'est bon pour le moral et bon pour le physique. Très bien. Une fois, j'ai reçu un super conseil. Quand tu es vraiment déprimé, il faut faire deux choses. Faire beaucoup de sport pour transpirer et métaboliser tout ce que tu as dedans. Ah oui ? Et changer la nourriture radicalement. C'est-à-dire, si tu es carnivore, tu deviens végétarien. Si tu es végétarien, tu reviens carnivore. D'accord. Et avec ces deux trucs, tu fais que tout système dépressif, ça change. Ben, le sport, le métabolisme, c'est énorme. Les escaliers. Ouais. Les escaliers aussi, c'est très compliqué à faire. C'est comme si on montait les escaliers. Il y a quoi d'autre, le rameur? Ouais. Personne ne m'écoute. C'est quoi ça? Tu as rien sifflé. Ah oui, c'est... Alors... Ah là, écoutez, là, on ferme les yeux et on est en Afrique. On est devant les huttes. Ah oui, ou la pirogue. Ah, c'est magnifique, c'est beau. C'est magnifique. Très, très beau. C'est de la musique traditionnelle. Oui, de quelle région? Alors, certainement de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Certainement Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Alors, on peut s'imaginer sur une pirogue. Oui. Installée. Et là, en fait, il y a de loin, il y a des dames qui dansent. Oui. Il y a certaines qui pilent le mille. C'est magnifique. C'est des griottes. Ce sont des grandes chanteuses et par transmission, ouais. Transmission générationnelle, ce don-là est transmis. Donc ces familles de griots sont vraiment reconnues et très reconnues en fait dans la communauté africaine. Ouais. Ils ont un don puisqu'ils racontent des histoires. Et ces histoires sont très très belles. Elles racontent en fait les confréries de prieurs ou de confréries de villages dans certaines vallées du pays. Et donc, en fait, ces griottes, elles sont très demandées durant les mariages. Mmh. Et en fait, il y a comme pour tradition, elles chantent. Et lorsqu'elles chantent, il y a des personnes qui viennent. Et en fait, elles font des bénédictions. Et on leur donne de l'argent. Et ces griottes, en fait, lorsqu'on leur remet cette somme d'argent, elles bénissent la famille qui a remis l'argent. Et elles font des chants pour des louanges. Des louanges pour les remercier. Et c'est vraiment très, très beau, ces rituels. Ce sont des rituels de mariage qu'on a souvent en Afrique de l'Ouest et même anciennement au Maghreb, parce que moi j'ai des souvenirs petites où en fait il y avait un monsieur qui chantait a cappella et il chantait et on lui donnait de l'argent et il priait pour chaque famille et chaque famille et chaque famille. Alors ça se fait de moins en moins, à part... Bon, ça revient parfois selon les jeunes pour faire perdurer la tradition. Mais vous avez vu combien la musique, juste quelques notes de musique, peuvent nous amener sur un autre continent. Ouais. Et nous emmener à adopter d'autres modes de vie, d'autres coutumes, d'autres codes. Je ne vous parle pas de la nourriture, je ne vous parle pas du code vestimentaire, où tout est différent et magnifique. Bah oui, c'est superbe, ça voyage pas seulement dans la planète, en plus on passe à l'au-delà. On ferme les yeux et on y est. Ouais. Et là, il y a notre chroniqueur de Gastrosophie qui Et voici l'arrivée de notre imminent. Attends, parle au micro. Ouais, je vois tout de suite. Pendant qu'il parle, Didi. Là, nous passons sur un autre continent, l'Amérique du Sud. Ouais, exactement. Alors, l'Amérique du Sud. On introduit avec une musique latino là. Oui, c'est plus caliente. Oui. C'est plus caliente. Baisse un peu parce que là on va parler. Ouais, là il va baisser Pedro. Tu veux prendre le micro ? Il y a un autre chroniqueur de gastrosophie qui vient d'arriver, il va nous parler. Pedro va nous parler. Vas-y Pedro, à toi. Si on me demande de parler de gastrosophie, j'aimerais bien parler de la restauration collective, c'est-à-dire la cantine. Souvenez-vous. Tout le monde ici a été à l'école quand il était petit. Je n'avais pas le droit d'aller à la cantine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma mère ne travaillait pas, donc je mangeais à la maison. La chance. Vous avez mangé à la cantine ? Moi, je mangeais pas à la cantine non plus, parce que dans mon pays, on va à l'école soit le matin, soit l'après-midi, il n'y a pas de cantine. Ah d'accord, c'était pas la journée. Donc on va manger à la maison. C'était pas la journée, l'école. Et moi, j'étais à la ferme, j'ai vécu à la ferme, donc on mangeait la poule qu'on tuait. Ah, super. Et les œufs qu'on ramassait, et les patates qu'on plantait. Et les tomates. Et les tomates. Champignons, non. Champignons, c'est un truc de français. C'est un truc du Nord. C'est un truc occidental. Non, on est des gens qui aiment la nature, nous aimons la nature, nous aimons les choses saines. Alors, je me suis aperçu, quand on mange à la maison, quand on vit à la ferme, quand on est petit, on mange bio sans le savoir. Mais oui, j'ai pensé à ça. C'est impressionnant. Il n'y avait pas de poison. Mais non, j'ai pensé à ça. On plantait des fleurs à côté des pieds de carottes. Tout était bio, sauf que tout était bio. Et pas cher, et zéro franc. Chez nous, on plantait tout. Par exemple, ouais. Ma mère, elle a 53 ans. On dirait que les gens, quand par exemple elle va à la pharmacie et tout ça, les gens croient que c'est ma sœur ou... Parce que en fait, ma mère, elle m'a dit qu'elle mangeait bio quand elle était en Afrique, au Sénégal. C'est ce qui fait qu'elle est bien. Eh oui. Elle est bien conservée. Voilà. Quand tu vois ma mère, tu dis pas qu'elle a la cinquantaine, tu vois. Magnifique. Ouais. Donc, je trouve que par contre, la cantine apporte quelque chose d'intéressant pour les enfants. La diversité, la sociabilité, la diversité alimentaire. J'ai eu un mot, la sociabilité. C'est bien, la sociabilité. Il y a un inconvénient, c'est le bruit. Les cantines scolaires sont très bruyantes. C'est une pollution sonore. Mais, donc on se nourrit quand même du bruit. Et parfois, on aime manger au calme. Mais je trouve que l'offre, la diversité... ce que j'aimerais faire une proposition à l'éducation nationale, c'est qu'elle réautorise, parce qu'elle a interdit ça dans les années 90, le petit panier repas des enfants qui peuvent amener leur popote de la maison fabriquée par leur papa ou leur maman. Ne sont autorisés que les PAI, c'est-à-dire les projets éducatifs. Projet d'accompagnement individualisé. Pour les enfants qui ont des régimes alimentaires ou des allergies, eux peuvent ramener leur panier repas. Et c'est un peu dommage que tout passe par le sceau de l'hygiène, comme si on ne pouvait pas faire confiance à des familles qui font de leur repas le matin ou le soir et qui disent « Prends ton gamelle avec les pâtes que tu aimes, avec les légumes que tu aimes, avec la viande que tu aimes, avec le fromage que tu aimes et éventuellement avec le dessert que tu aimes. » Donc, je trouve que d'un côté, ça peut pousser les gens à manger que des frites avec du beefsteak parce que certains enfants sont un peu capricieux. Mais quand on examine la teneur nutritionnelle des paniers repas, je trouve que c'est une bonne idée qu'on puisse démocratiser la distribution d'aliments aux enfants. Je pense qu'il faut quand même avoir des exigences parce qu'à l'école, on est là pour apprendre. On n'est pas pour répéter les erreurs alimentaires parfois qu'on commet à la maison. Oui, mais la machine est énorme. La machine est énorme. Si vous laissez les parents faire ça, ça serait très très bien. Voilà. Mais malheureusement... Ou alors, encore plus audacieux, tous ensemble à la cuisine. Faisons la cuisine ensemble. Alors là, c'est pour un flux d'enfants qui ont une heure pour manger, c'est impossible. On met les mauvais élèves à la cuisine. Il n'y a pas de mauvais élèves. Ils ne veulent pas travailler les mathématiques, on va dire, d'hirondelles de tomates. Par rapport à la gastrosophie, justement, Charles Fourier, il disait, par exemple, éplucher les haricots, personne n'aime, sauf les enfants entre l'âge de 7 et 11 ans. Donc, il disait, on met les enfants à éplucher les haricots parce qu'ils aiment bien. Oui. Tu vois, donc il faut plutôt que domestiquer les passions et s'adapter aux passions des gens naturels. Là, tu parles presque d'une scène romantique qu'on pourrait mettre dans un film. Tu imagines comme ça, dans une cuisine rustique, à la campagne, un homme, une femme, par exemple. Oui, je pourrais être d'un autre. Le dindon. Genre, en train d'éplucher des haricots ensemble et discuter. Qu'est-ce que c'est beau, passe, c'est de l'amour et ça. Et discuter des enfants, c'est de l'amour, et discuter ça. De la météo, et discuter des projets d'avenir, et discuter des rêves. Le monsieur qui venait et là. Et ça, grâce aux queues d'haricots. Vous imaginez qu'on coupe. On coupe les queues des haricots et on se fait pousser des ailes. C'est de l'amour. Ouais, c'est de l'amour. Vive la coupure de queues des haricots. Votre ami là, qui venait ici là, même il est un peu blindé. Il a des maisons à la campagne, tout ça. Oui. Il vient plus. Docteur Hero. Là, il est en train de vendre son château. Il va vendre. Vous parlez de Docteur Hero. Pas y aller. Si vous voulez surenchérir, non, il a la ferme maintenant que uniquement. Vous parlez de Docteur Hero. Non, Régis, on l'a vu dimanche. C'est Patrice. Ah, comment il va, Docteur Hero? Très bien. Super. Bon, salut, Régis, si tu es là. Il prend une cure de jouvence, Monsieur Hero, parce qu'il a plus de stress lié au travail. Super. Il est de plus en plus jeune. Ah, oh, génial. Et il a 70 ans. Bientôt, on va fêter ses 60 ans. Ça. Bon, c'était le métanoïaque, c'était Pinot. On se dit à la semaine prochaine, mercredi. Ciao, ciao.